fantôme. John Cocho, le grand Pikachu, le chouchou du grand pharaon. Enchanté de vous voir. La petite violine, maman Naridi. Sans oublier la parole.